chiffre fauve, petite, petite. N'oublie pas ta bulle mauve, je t'ai fait robe de magie. Pour les jours où tu sors, où tu vas dans la brousse, là où ta vie t'appelle. N'oublie pas le gris-gris contre les mauvais sorts, contre les lunes rousses au hasard des ruelles. Tu vas, rien n'est rose, petite, petite, je n'y peux pas grand chose, y a tant de malheurs ici-bas. Tant de trous dans les armes, tant de manque d'amour et tant de solitude. Bulle mauve sur toi pour parer les insanes et la folie qui court par les rues d'inquiétude, les rues d'incertitude. Petite, petite, garde bien ta bulle close. Petite, petite, contre les mal-aimés, ils ont mal au-dedans et ça les rend méchants. Je te crois si fragile quand tu sors de notre île. Je te crois vulnérable et eux si implacables, leurs desseins insondables. Quand tu vas chez les fauves, petite, adorable, petite, n'oublie